téléphone sur mon cœur. Tu mets une pièce dans mon pipeur. Tu as le torse d'une girafe. Entre nous il y a une agrafe. Ta langue est tellement anglaise. Tes yeux sont comme des punaises qui piquent quand je ne peux te voir. Tu es mon unique belle. Comme un Bigfoot transparent. Un mastodonte en plastique. Une toilette de restaurant. Ou un clown épileptique. Tu as les jeans dans le soleil, tu as le costume d'une abeille. La terre tremble quand tu m'aimes, et elle me tombe, c'est le thème. Je suis allé à Hawaï, on va s'acheter des bikinis. On va les mettre dans un jus, on va passer dans des rues. Comme un Bigfoot transparent, un mastodonte en plastique. Une toilette de restaurant, ou un clown épileptique. Mon mastodonte en plastique, ma toilette de restaurant, mon petit, mon seul clown épileptique. Peter, c'est le fun comme un Bigfoot transparent. Bigfoot transparent, un mastodonte en plastique, une toilette de restaurant, ou un clown épileptique.